La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'histoire de la médecine aurait-elle oublié les malades en cours de route ? Dans son livre le plus célèbre intitulé « Le normal et le pathologique », Georges Canguilhem, qui fut à la fois médecin et philosophe, écrivait cette phrase au parfum d'évidence. « Si aujourd'hui, la connaissance de la maladie par le médecin peut prévenir l'expérience de la maladie par le malade, c'est parce que autrefois, la seconde a suscité, a appelé la première. C'est bien parce qu'il y a des hommes qui se sentent malades qu'il y a une médecine, et non pas qu'il y a des médecins, parce qu'il y a des médecins que les hommes apprennent d'eux leur maladie. » Fin de citation. En clair, ce sont les malades, les premiers malades, les patients zéro, comme on les appelle, qui sont les toutes premières causes des avancées de la médecine, et non pas les médecins qui tentèrent de comprendre leur maladie. Pourtant, l'histoire de la médecine est souvent réduite à celle des médecins, de leurs méthodes, de leurs réflexions, de leurs exploits. D'où notre question de ce jour. Si nous complétions l'histoire de la médecine en y ajoutant celle des malades, quel nouveau récit pourrions-nous entendre ? Et pour le savoir, j'ai invité Luc Perrineau. Bonjour. Bonjour Luc Perrineau. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Nous sommes direct. Je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes à Toulon peut-être ? Oui, très bien. Vous êtes où en France ? Je suis à Lyon, je suis à Lyon. Vous êtes à Lyon et vous êtes médecin. À Lyon. À Lyon, oui. Bien, oui. Voilà, vous êtes à Lyon, vous êtes médecin et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « Patient zéro, histoire inversée de la médecine ». Et donc vous défendez cette thèse, elle-même défendue par Georges Canguilhem, que j'ai rappelé, à savoir que l'histoire officielle de la médecine a tendance à oublier les malades. Et pourtant, il existe un contre-exemple que vous connaissez certainement, qui prétend exactement le contraire, et qui est Antonin Artaud, qui a subi plusieurs internements, comme vous le savez, il a subi des électrochocs. Et lors d'une émission de radio, en 1946, il a dit ceci... Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique intempestive et hybride, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades, pas de squelettes de morts malades à charcuter et à dépiauter, car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Donc je vous livre cette phrase en guise de petite provocation. Est-ce que vous comprenez cette analyse que Antonin Artaud a fait en sortant de l'hôpital? Alors, c'est une provocation à moitié, parce que je suis en partie d'accord pour certaines maladies qui, effectivement, sont parfois créées de toutes pièces, ou certains diagnostics, on va dire, qui sont créés de toutes pièces et qui, finalement, ne concernent pas les patients eux-mêmes. Donc, la médecine fabrique aussi ce que moi j'appelle des objets maladies. Hein. Elle crée un objet maladie qu'elle va attribuer à quelques personnes qui, sans les médecins, n'en auraient pas eu conscience, en fin de compte. Alors, donc, si... il a en partie raison. Oui, alors, oui, pardon. Mais si les malades sont oubliés dans l'histoire de la médecine, est-ce que ça n'est pas, et vous excuserez la naïveté de ma question, est-ce que ça n'est pas à cause tout simplement du secret médical ? D'ailleurs, depuis quand existe le secret médical ? Alors, pour répondre à votre question, c'est un peu... Je ne pense pas que c'est à cause du secret médical qu'ils sont oubliés, parce que la médecine en tant que science, elle avançait, j'allais dire, comme toutes les sciences, elle avançait toute seule, il y avait des progrès, et on ne parlait pas des malades, parce que on parlait surtout des moyens diagnostiques, des moyens thérapeutiques, et de ce que faisaient les médecins. On oubliait la subjectivité du patient le plus souvent. Alors, en ce qui concerne le secret médical, je pense que c'est plutôt... quelque chose qui est annexe, j'allais dire, à cette histoire de découverte médicale, c'est effectivement une relation intime particulière entre le médecin et son patient. Et si le patient se confie, il souhaite effectivement que son histoire ne soit pas connue de tout le monde. Je pense que ça existait déjà à l'époque pharaonique. Je pense qu'on se confiait aux médecins magiciens, mais qu'on ne souhaitait pas que leur mal s'ébruite. Alors vous, les médecins, Luc Perrineau, vous parlez de patient zéro, c'est le titre d'ailleurs de votre ouvrage. Et pourquoi on ne parle pas de patient numéro 1 ? Pourquoi est-ce que la numérotation commence à zéro ? Question naïve, alors, encore une fois. Question... Oui, oui, mais c'est une question qui revient souvent et qui est finalement assez logique, parce que le patient zéro n'est pas toujours un malade, en fait. Le patient numéro 1, si on avait appelé le patient numéro 1, c'est celui qui est malade et qui s'est présenté, c'est le premier que l'on voit. Mais notamment en infectiologie, puisque le patient zéro s'applique essentiellement en infectiologie, ce terme est dédié à l'infectiologie. Souvent, le patient zéro ou ceux qui précèdent le patient 1, il y en a plusieurs, ils ne sont pas malades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signes cliniques. Et c'est en faisant des recherches bactériologiques, virologiques, qu'on va découvrir des porteurs, qui sont souvent donc des porteurs sains. C'est un mot qui est, le mot porteur sain est un mot qui est bien devenu à la mode ces jours-ci et que tout le public connaît maintenant, alors qu'il ne le connaissait pas il y a un an. Et donc, on découvre qu'il y a des porteurs sains qui ne sont pas malades en fin de compte, mais on les appelle donc les patients zéro. Le zéro serait ce qui est avant la numérotation officielle. Mais pourtant, patient, ça veut dire qui souffre étymologiquement. Ça veut dire qu'un patient, il sait forcément qu'il est malade, non? En tout cas, il souffre. Alors, c'est une bonne question. Moi qui suis un obsessionnel de la terminologie, il y a une grosse différence entre patient et malade. Le malade, c'est vraiment celui qui a des symptômes et qui souffre, c'est-à-dire qu'il apporte son vécu souffrant au médecin. Mais le patient, c'est celui qui est dans le cabinet médical. Et celui qui est dans le cabinet médical, comme vous le savez aujourd'hui, n'est pas forcément malade. Il peut être là pour faire un bilan, pour demander un certificat. Donc le patient, c'est le client du médecin. Hein, alors que le malade, c'est celui qui a un vécu de souffrance, de maladie ou de symptômes, tout simplement. Hein. C'est celui qui a des symptômes. Donc on peut être patient sans être malade. Absolument. Mais d'ailleurs, je pense que dans les cabinets médicaux aujourd'hui, vous n'allez pas me démentir, il y a énormément de personnes qui sont là sans avoir le moindre symptôme, hein, pour des contrôles, je ne sais quoi, de toutes sortes. Hein. On appelle ça les check-up, les bilans. Alors, dernière question naïve, enfin, peut-être pas la dernière, en tout cas celle-ci, je sais qu'elle est naïve. D'où vient qu'en médecine, on parle d'interne et d'externe? Que signifie cette distinction et est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui? Alors, ça c'est aussi une question très amusante au niveau historique, c'est que avant que naisse l'anesthésie générale, la médecine ne pouvait être qu'externe, c'est-à-dire qu'on opérait des abcès, on réparait des membres cassés, et la chirurgie était externe et la médecine était externe parce qu'on regardait des symptômes visibles sur le corps, on ne pouvait pas aller explorer les organes dans leur intimité. Donc tout se faisait en externe. Et lorsqu'il y a eu la grande invention de l'anesthésie générale dont je parle dans mon livre, on a pu aller à l'intérieur des corps. Alors, on pouvait aussi aller à l'intérieur des corps par l'autopsie avant, mais c'était un peu trop tard pour les malades. Tandis que maintenant, on peut y aller in vivo, et donc on peut faire de la chirurgie interne. Et apparemment, d'après les historiens, le mot interne serait apparu à ce moment-là pour faire la distinction donc entre la médecine interne et la médecine externe. Hein, voilà. Mais est-ce que cette distinction, Luc Perrineau, a encore un sens aujourd'hui? Alors maintenant, elle n'a plus que le sens de au niveau des étudiants et des étudiants en médecine. Hein, elle n'a plus que ce sens-là, je crois. Hein. C'est-à-dire que il y en a qui disent aussi que les internes c'était ceux qui logeaient à l'hôpital, sans doute, peut-être aussi. Mais maintenant, ça n'est plus que cette distinction de, j'allais dire, universitaire. Hein, à la faculté de médecine, il y a les internes qui sont donc en fin de parcours et les externes qui sont en début de parcours. Alors, dans votre livre, Luc Perrineau, vous dressez le portrait et l'histoire de différents malades plus ou moins célèbres. Certains sont très connus, d'autres pas du tout. Et si vous le voulez bien, je voudrais qu'on commence par parler de Samuel, cet homme qui avait un cerveau d'autant plus étrange qu'il semblait ne pas en avoir. Ah oui, alors vous commencez par... C'est une des dernières histoires. Oui, je commence par la fin. De mon livre. Voilà, très bien, très bien. Alors ça, c'est assez extraordinaire. La découverte était... Alors, vous savez que maintenant, l'imagerie médicale a fait des progrès considérables. Hein. On voit mieux avec une IRM, on voit mieux l'intérieur du corps qu'on ne le voit avec une autopsie ou en examinant l'œil nu. Et donc, cet homme-là avait des symptômes assez faibles. Il avait une jambe qui se dérobait un peu. De temps en temps, il manquait de tomber parce que sa jambe se dérobait. Et il avait eu une histoire médicale très simple. Petit, on lui avait fait une opération, il ne savait pas pourquoi. Mais comme il avait ce symptôme étrange, il a consulté le neurologue qu'il avait soi-disant opéré il y a quelques années. Et ce neurologue a pensé qu'il pouvait y avoir un rapport avec ce qu'il avait eu étant tout enfant. Là, l'histoire, quand l'histoire se passe, il a peut-être une quarantaine d'années ou 45 ans, je ne sais pas. Il est marié, il a deux enfants. Voilà, tout à fait. Il vit normalement, on va dire normalement. Il a un quotient intellectuel normal. Ça n'est pas un génie, mais il mène sa vie très bien. Et le chirurgien, tout naturellement, le neurologue fait tout naturellement ce qu'aurait fait tout neurologue. Il fait une IRM. pour voir son cerveau. Et aux surprises, les bras lui tombent. Quand il voit l'IRM, ben le crâne est vide. Il n'y a pas de cerveau dans le crâne. C'est aussi brutal que ça. Il n'arrive pas à le croire. Il montre évidemment l'image à tous ses confrères, à tous ses internes précisément. Et tout le monde reste pantois. Comment peut-on vivre sans cerveau? Alors, j'exagère un peu, puisque le cerveau existait en fait, mais il était réparti sur toute la périphérie du crâne, sur une épaisseur de moins de 5 mm. Il avait été comprimé. Par le liquide céphalo-rachidien qui occupait tout ce qu'on appelle les ventricules médians, les ventricules du cerveau qui étaient hypertrophiés et qui occupaient toute le volume cérébral. Et alors de là on a compris, on savait déjà que la plasticité cérébrale, comme on dit, était très importante, hein. Et là on a découvert que la plasticité cérébrale était quasiment infinie, quoi. On pouvait, avec un cerveau remodelé, vivre normalement. Mais est-ce que ça veut dire que des primates non humains qui ont un cerveau plus petit que le nôtre pourraient être intelligents comme nous? Alors là, vous posez une question très naïve, je me permets non, de vous dire. Non, elle n'est pas si naïve, je l'ai lu quelque part. Alors, non, je parce sais que là, cette histoire a été exploitée justement par des partisans de la cause animale et même par des activistes féministes. Voilà, absolument, absolument. Oui, je la connais. Je ne dirais pas son nom, mais je la connais très bien. Oui, ça a été exploité. Alors, c'est une exploitation qui est malhonnête, on va dire les choses comme elles sont, parce que il avait au départ, ce Samuel avait au départ un cerveau de primate humain. Hein, et à la naissance, il l'avait, il l'a toujours eu, mais ce cerveau de primate humain a été comprimé et n'a pas perdu ses caractéristiques, j'allais dire pas trop perdu ses caractéristiques pendant toute sa vie. Alors que les primates non humains, ils ont évidemment un cerveau, ils ont évidemment une très bonne cognition, ils ont plein de choses qui sont très bonnes, hein, mais ils ont un cerveau de primate non humain. Et si les primates non humains avaient cette même compression cérébrale, on peut supposer qu'ils garderaient aussi, et cette même plasticité cérébrale, s'ils l'ont certainement, on peut supposer qu'ils garderaient leurs fonctions, mais ce ne serait jamais que des fonctions de primates non humains. Alors vous écrivez, Luc Perrineau, que ce monsieur qui s'appelait donc Samuel avait un QI de 75 et un QI verbal de 85. Voilà. Quelle est la différence entre le QI et le QI verbal? Alors c'est une différence subtile que l'on fait. J'avoue que je suis pas un grand spécialiste de la question, ni même un petit spécialiste. C'est une différence que l'on fait parce que les tests de QI, comme vous le savez, sont toujours contestés, hein, parce qu'ils sont, et finalement, on a l'intelligence que nous donne le test de QI, donc qui est toujours contestable. Et quand le QI verbal, c'est une façon de moduler la précision de ce QI en disant que finalement, quand on le voyait s'exprimer, son expression verbale était meilleure que ce que laissait supposer son QI. Hein. Et vous dites, intelligent, normalement intelligent. Certes, ce n'était pas le cerveau d'Einstein, dites-vous. Voilà. Mais en disant cela, vous sous-entendez que le cerveau d'Einstein était particulier. Or, après sa mort, un médecin a extrait le cerveau d'Einstein de sa boîte crânienne, contre l'avis d'Einstein d'ailleurs, qu'il avait exprimé évidemment avant sa mort, et il l'a découpé en lamelles qui ont été analysées. On n'a rien trouvé de spécial, si ce n'est que c'était un cerveau un peu plus léger que la moyenne. Alors en écrivant ça, j'ai donc dit une bêtise, vous voyez, on en dit tout le temps. Non, c'est j'ai pas ça que vous voulez dire. Bêtise. Non, mais je le pense vraiment, le cerveau, la vision anatomique du cerveau ne peut en aucun cas nous donner une information sur l'intelligence de la personne, donc je confirme que j'ai écrit une bêtise. On va pas avoir le temps, Luc Perrineau, de parler de tous ces malades dont vous racontez l'histoire dans ce livre, et si vous permettez, on va en choisir quelques-uns qui m'ont particulièrement impressionné, notamment ce monsieur Louis-Victor Le Borgne, alias monsieur Tan, grâce auquel un certain Paul Broca, bien connu, a découvert l'air qui porte son nom dans le cerveau. Alors quand est-ce que ça se passe? Quels étaient les symptômes, en l'occurrence? Il s'appelait Le Borgne, mais c'était pas vraiment ça le problème. Et qui était ce Paul Broca? Alors... Paul Broca, je pense que tout le monde connaît son nom. Enfin, on connaît plus son air que son nom, oui, peut-être, voilà. Non? Voilà, exactement, oui. Donc c'était il était chirurgien, il était anthropologue, il avait plein de qualités. C'était un homme polyvalent, comme souvent les chercheurs de cette époque-là, les grands humanistes. Et donc, il a eu connaissance de ce cas, donc de monsieur Tan, qu'on appelait Tan Tan, qui était un monsieur qui avait une aphasie complète, hein. Il ne pouvait dire que deux syllabes, qui étaient Tan Tan, donc on l'a appelé Tan Tan. Il répondait Tan Tan, quelle que soit la question qu'on lui posait. Voilà. Mais, on comprenait, ses interlocuteurs comprenaient qu'il voulait, ce qu'il formalisait, on parle souvent de l'expression non verbale, et ses interlocuteurs comprenaient que ce qu'il voulait dire et formaliser, c'était cohérent, c'était logique. Il voulait fournir une réponse cohérente, mais il n'y avait que le tan-tan qui sortait. Et on sentait qu'il avait une intention, il avait une intention, il voulait dire quelque chose. Voilà, voilà. Il n'était pas débile au sens, hein. Il voulait dire quelque chose, mais quand il voulait le dire, il ne sortait que deux mots, hein. Donc c'est vraiment une aphasie très particulière, hein, sur l'articulation, hein, qui n'est pas une aphasie au niveau de la pensée, mais de l'articulation des mots. Et bien sûr, personne ne comprenait rien à son cas. Il avait une épilepsie, et donc à l'époque, l'épilepsie était aussi associée souvent à une maladie psychiatrique, hein, encore à cette époque-là. Et donc on ne comprenait rien. Et puis un jour, il a une gangrène, en fait, qui n'a rien à voir avec son état, donc pour lequel il était hospitalisé en psychiatrie. Et donc il a contact avec ce monsieur Broca, qui dit la gangrène, je vais l'opérer, et qui apprend son histoire. Et ce monsieur Broca était en train de faire des recherches de son côté sur ce qu'on appelle la modularité cognitive, c'est-à-dire les modules cérébraux. C'était une thèse qui commençait à être en vogue, j'allais dire, qu'il y avait finalement des modules cognitifs dans le cerveau, qu'il y avait des parties qui pouvaient être dédiées à la reconnaissance des objets, d'autres à la reconnaissance des visages. C'était tout à fait naissant, c'était une idée très contestée d'ailleurs. Et donc, il a vu ce patient, et qui est mort dans son service des suites de la gangrène, et à l'autopsie, il a constaté qu'il y avait toute une partie du cerveau qui était complètement détruite. Et donc, il en a conclu que c'était cette partie-là du cerveau qui était détruite et qui l'empêchait de parler, en fin de compte. Et il a bien sûr fait une grande publication immédiatement. Il était responsable de la Société d'anthropologie à ce moment-là à Paris, qui était la seule société d'ailleurs existante au monde, je crois, à ce moment-là. Et bien sûr, comme c'était un monsieur très connu, on a tout de suite cru immédiatement tout ce qu'il a dit. Alors, c'était en très grande partie vrai, plus tout à fait vrai maintenant, mais c'était la première ère découverte dans le cerveau dédiée à l'articulation des mots, quoi. Qu'on appelle l'ère de Broca et qu'on aurait peut-être dû appeler l'ère de Tan. Ou l'ère de, l'ère de Le Borgne, je sais pas. Voilà, c'est une idée. Effectivement, c'est toujours les on se rappelle que des médecins, mais on aurait dû l'appeler l'ère de Le Borgne. L'ère de Le Borgne ou l'ère de Tan Tan. Et j'ai appris en vous lisant Luc Perrineau que le cerveau de ce monsieur, monsieur Tan, monsieur Le Borgne, en fait, on peut le voir aujourd'hui. Il est, il est quelque part au musée Dupuytren, rue de l'école de médecine à Paris. Voilà, il est au musée Dupuytren, il est à l'école de médecine, il est toujours là, parce que ça a été, historiquement, c'est très important, hein, c'est le premier, la première preuve de la modularité, pour employer le grand mot, de la modularité cognitive. Mais quelle différence font les neuroscientifiques entre le langage et la parole? L'ère de la parole, est-ce que c'est la même chose que l'ère du langage? Alors oui, bien sûr que non. C'est-à-dire que vous avez différentes formes d'aphasie. On appelle la dysarthrie plutôt. Alors il y a, c'est un peu comme pour le, on peut comparer quelque chose de plus simple peut-être pour les auditeurs, qui est la vision. Votre rétine voit des objets, voit ce qu'elle voit. Enfin, il s'imprègne sur votre rétine des photons, de la lumière, mais c'est votre cerveau qui reconstitue une image finalement, et puis qui réinterprète cette image. Eh bien, c'est pareil pour la parole. Votre cerveau pense des mots, pense des phrases, et puis ce sont bien vos mâchoires et votre langue qui articulent ces phrases et ces mots et qui les rend intelligibles avec des sons. Donc, ce sont deux fonctions un peu différentes, hein. Il y a des intermédiaires, on va dire. Alors, il y a une autre histoire absolument passionnante, Luc Perrineau, dans votre livre. C'est celle qui raconte la façon dont on a découvert la possibilité d'anesthésier les patients, notamment à l'occasion d'arrachage de dents. Et c'est une histoire qui allie la science et le cirque. Ah oui. Alors, elle est très connue, celle-ci. Alors, je la connaissais pas, voilà. Alors, je prétends que dans mon livre, j'ai raconté quelques histoires originales et nouvelles que personne ne connaissait, mais j'en ai repris quelques-unes qui sont finalement, j'ai recopié quelques histoires connues, je les ai racontées. Elle est très célèbre auprès de ceux qui la connaissent. Voilà, exactement, vous avez bien dit, elle est très célèbre, mais elle est plus connue que beaucoup d'autres qui sont dans mon livre, on va dire, voilà. Alors, cette histoire, c'est effectivement, à l'époque, donc j'en reviens, à l'époque où il n'y avait pas d'anesthésie, ni locale, ni générale, ça n'existait pas, et vous imaginez bien que parmi les deux pathologies, j'allais dire, courantes, qui embêtaient la plupart des personnes vivant à cette époque-là, c'était bien sûr les abcès qu'il fallait inciser, hein, abcès de toutes sortes que l'on avait, et puis l'arrachage des dents qui, comme vous le savez, était très souvent malade et carié. Et donc c'était deux opérations très douloureuses et bien sûr qui limitaient les interventions. Et surtout les dentistes souffraient eux aussi de ça, de voir qu'ils faisaient beaucoup. Les dentistes étaient plus obsédés par la douleur de leurs patients et plus ennuyés parce que les patients bougeaient, ils pouvaient pas les tenir. Donc beaucoup de dentistes qui avaient envie de progresser se disaient mais comment faire pour que les patients ne souffrent pas autant et qu'on puisse travailler tranquillement. Et ce monsieur Wells, donc dont il est question, Horace Wells, était obsédé par cette question. Et vous savez, comme on dit, les choses surviennent par hasard. La chance sourit aux audacieux, aux esprits éveillés, on va dire. La sérendipité. Et un jour, effectivement, en voyant... Ouais, exactement. Alors, c'est un peu plus que ça, parce qu'il, lui, cherchait vraiment. Hein. La sérendipité, ça arrive même à ceux qui ne cherchent pas. Si, vous avez raison, si, si. Il faut chercher un peu, quand même. À ceux qui cherchent. Il faut chercher un peu, voilà. Et donc, il y avait beaucoup à l'époque de spectacles avec le gaz hilarant. Et le gaz hilarant faisait faire beaucoup de bêtises aux gens qui en avaient pris. Évidemment, c'était à cette époque-là, il y avait beaucoup de montreurs, de primates humains qui montraient les gens obèses, les gens difformes. On montrait même des frères siamois. Enfin, c'était affreux. Hein, c'était des zoos humains carrément. Et donc, on faisait avaler du gaz hilarant à des personnes. Évidemment, elles faisaient plein de bêtises sur scène. Elles perdaient toute pudeur, toute discrétion, et ça faisait beaucoup rire. Voilà. Et un jour, ce monsieur Wells voit quelqu'un qui est sous l'emprise des gaz hilarants, qui se casse la figure de l'estrade du cirque et qui s'arrache tout le mollet sur un clou rouillé et qui ne pousse pas le moindre cri, pas le moindre gémissement, il sent. Et ce monsieur, il le connaissait. Et il dit, mais c'est pas possible. Et il va le voir quelques heures après chez lui. Et il lui dit, mais vous souffrez? Non, pas du tout, il ne souffrait pas. Et puis au fur et à mesure qu'il parlait avec ce monsieur, il dit, ah mais maintenant je commence à souffrir, et la douleur augmentait. Et monsieur Wells en conclut qu'il était anesthésié sous gaz hilarant. Et de là est née la première anesthésie en chirurgie dentaire. Mais pourtant c'est pas à lui, à ce monsieur Wells, qu'on attribue la paternité de la découverte de l'anesthésie. Ah, l'histoire voilà. N'est pas alors juste. Après, il y a toute une histoire. Elle n'est pas juste. Alors là, je vous encourage à lire le livre parce que oui, c'est assez compliqué. Je ne peux pas toute la... Voilà. Mais en l'occurrence, le gaz qu'il a utilisé, c'était le protoxyde d'azote. Et pourtant, quand on pense à l'anesthésie, voilà. On pense aussi au chloroforme, à l'éther. Voilà. Est-ce que toutes ces substances ont été utilisées à peu près au même moment? Voilà. Alors après cette anesthésie, après il y a eu des rivalités entre chercheurs et ce monsieur Wells était un gentil garçon qui s'est laissé avoir et il y a eu des gens beaucoup plus forts que lui en communication, on va dire, peut-être pensant qui ont valorisé le chloroforme puis l'éther et c'est celui qui a valorisé l'éther et qui en a fait une belle démonstration aux États-Unis c'est à lui que revient l'invention de l'anesthésie locale et en fait il n'en est pas du tout l'inventeur effectivement. Enfin, il y a un personnage, avant qu'on fasse notre pause musicale, qui lui est, je crois, assez connu pour le coup, c'est Phineas Cage, qui est connu grâce à sa baramine qui lui a traversé la tête et qui a permis de trouver le siège de l'âme, on pourrait dire. Peut-être le siège de la morale, voilà. Je sais pas comment il faut l'appeler. Voilà. Oui, de l'âme. Enfin, j'ai dit de l'âme. Donc, oui. Comme je ne sais pas ce que c'est l'âme, je suis bien ennuyé pour vous. Oui, votre chapitre s'appelle l'âme de Phineas. Voilà, l'âme de Phineas. Voilà. Alors, cette histoire-là est très connue, comme vous dites, de ceux qui la connaissent. Oui. Et voilà. Et donc, il a eu un accident pareil, totalement improbable et impensable. Et ce qui est improbable, surtout impensable, c'est qu'il soit resté vivant après cet accident. Hein, et donc, il a eu une baramine qui lui a traversé le lobe frontal. Après une explosion. C'est un personnage. Voilà, une baramine qui lui a sauté dans l'œil, hein, qui a traversé l'œil et tout le cerveau. Et donc, Donc il a survécu miraculeusement et il devait avoir une bonne santé, une bonne constitution. Et après ça, sa personnalité a radicalement changé. Elle est devenue l'opposé presque de ce qu'elle était, un homme doux, sage, discipliné, qui est devenu tout à fait impétueux, colérique. Et donc, à partir de là, on a commencé à comprendre quel était le rôle du lobe frontal, qui effectivement est très important dans la régulation de l'humeur, surtout de l'humeur. Les troubles de l'humeur sont souvent des troubles liés à des perturbations au niveau du lobe frontal. Et ce monsieur, il a vécu très longtemps ou est-ce que cette blessure a fini par... Il n'est pas mort de ça. Alors vous me posez... Je crois qu'il a vécu assez longtemps. Il est mort, je crois, enfin, par rapport à ce qu'il avait eu. Il est mort après 40 ans, je crois me souvenir. Le livre a déjà plus d'un an, il faudrait que je le relise. Et il est mort, je crois, d'autres choses. Enfin, il a eu des épilepsies, il a eu pas mal d'ennuis qui étaient quand même en lien plus ou moins direct avec, avec son traumatisme quand même. C'est l'heure, Luc Perrineau, d'écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit de L'étrangère d'Aragon, interprété par Léo Ferré. Nous allons l'écouter. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fang. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Luc Perrineau, vous avez choisi cette merveilleuse chanson écrite par Aragon, interprétée par Léo Ferré, qui pour le coup est célèbre aux oreilles de presque tout le monde, je crois. Pourquoi l'avez-vous choisi? Alors écoutez, si on devait tout expliquer, si on devait donner le paradis à ceux qui nous ont donné le plus grand bonheur, alors Léo Ferré et Aragon seraient tous les deux au Panthéon, parce que le bonheur que m'ont donné ces deux personnes-là, l'un en écoutant ces chansons et l'autre en lisant ces textes et ces poèmes, est tellement immense que je ne peux pas l'exprimer ici. Donc j'ai pris cette chanson qui fait le lien entre les deux. Voilà. Très bien, c'est une explication très convaincante. On va continuer, si vous voulez bien, à explorer certaines histoires que vous racontez dans votre livre « Patient zéro », l'histoire inversée de la médecine. En parlant des fameuses femmes, si j'ose dire, qui ont été associées à l'histoire de l'hystérie moderne. Et vous dites que cette histoire ressemble à une succession de mensonges cliniques. Est-ce que ça veut dire que l'histoire officielle, celle qu'on a lue ici ou là, comporte des approximations? Oui, alors plus que ça. Plus que ça. Alors l'hystérie, d'abord, c'est un diagnostic un peu particulier. Aujourd'hui, c'est un terme qui n'est plus utilisé, et évidemment, je serais assez incapable de vous en parler, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a une époque où on avait cru savoir ce que c'était, puisqu'il y avait des personnes, des femmes en particulier, qui avaient des symptômes très riches, et les neurologues de l'époque, Charcot en particulier, qui était le plus connu en France, ne comprenait pas qu'une maladie qui donne des symptômes aussi riches, aussi foisonnants, aussi bruyants, puisse ne pas montrer aucune lésion cérébrale. J'allais dire, c'est l'inverse de Samuel dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y avait aucune lésion cérébrale avec des symptômes très riches, et ça, c'était totalement incompatible avec la pensée de l'époque, qui était ce qu'on appelle une pensée anatomo-clinique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre la clinique, c'est-à-dire les symptômes, et les lésions anatomiques ou organiques. Et là, il n'y avait aucun lien entre les deux. Donc, de là, l'idée de penser que ces symptômes visibles étaient de pure création des patients qui en étaient atteints. Et c'était surtout des patientes à l'époque. Et donc, on en a conclu que c'était un nouveau type de maladie liée à l'utérus. Alors, le mot hystérie existait avant, donc hystère, c'est l'utérus, voilà. Et donc, que c'était, alors, plein de théories fantaisistes disant que les femmes avaient plein de problèmes hormonaux liés à l'utérus et qu'elles manifestaient leurs symptômes de façon plus bruyante, etc. Voilà. Et donc, puisqu'on n'avait pas de théorie physiopathologique, on va dire, solide, il ne restait plus qu'une solution, c'est d'essayer des thérapeutiques. Alors, faire des thérapeutiques lorsque vous n'avez pas de théorie physiopathologique en amont, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire que, bon, on ne sait pas bien ce qu'on fait, on essaye. Et il y avait quand même quelque chose qui semblait marcher pas trop mal. C'était ce qu'on appelle la thérapie par la parole, qu'essayaient plusieurs psychiatres en faisant parler, en essayant de faire expliquer les troubles et l'origine des troubles. On arrivait un peu à atténuer les symptômes. Voilà. Et donc, un certain monsieur Freud a pris ça en cours de route. Il n'est pas le premier. Et a bâti, donc, a rencontré des hystériques célèbres. Alors, je raconte l'histoire de deux ou trois hystériques célèbres. Et a bâti toutes ces théories là-dessus, en disant que c'était donc des refoulements, et puis qu'il fallait faire parler les gens. Ils appelaient ça le ramonage, je crois, le ramonage de la pensée, faire parler des gens pour libérer ces refoulements. Alors, les résultats cliniques ont été plus que modestes, voire médiocres, voire négatifs, voire très mauvais, mais l'histoire racontée par les premiers psychanalystes est tout à fait romancée et contestable, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans le traitement l'efficacité qui a été proclamée par la suite. Oui, il y avait même, la plupart ont terminé sous cocaïne, on donnait des drogues dont elles devenaient dépendantes et elles sombraient souvent dans la cocaïnomanie ou autre dépendance à des drogues. Il n'y avait aucune réponse thérapeutique, et surtout une erreur physiopathologique. Et en fait, il reste de cette hystérie aujourd'hui quelque chose qui existe toujours, qu'on n'appelle plus hystérie, qu'on appelle les troubles somatomorphes, hein. C'est le dernier reliquat en médecine de la science psychanalytique, c'est ce qu'on appelle le trouble somatomorphe ou somatoforme, les deux mots s'emploient, et qui sont effectivement des symptômes liés à un problème psychologique, mais qui se manifestent quand même de façon physique, organique, réelle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte d'expérience de pensée pour s'amuser, en imaginant ce qu'il se serait passé si les médecins qui se sont occupés de ces femmes avaient été des femmes, justement? Est-ce que dans la façon de penser la maladie, de la traiter, il y aurait eu des différences? J'imagine que oui. Dans votre livre, vraiment, vous le suggérez. Oui, oui. En plus, non seulement je suggère, mais dans toutes ces consultations psychanalytiques de départ de l'histoire, donc qui sont relatées par les cliniciens eux-mêmes ou leur père ou des témoins, la charge sexuelle est assez forte en fait. Hein. La prégnance sexuelle au cours des consultations est sensuelle et sexuelle était très élevée. Et donc il est certain que la relation patient-médecin était très très perturbée par ça. Et comme tous les médecins étaient des hommes et que toutes les hystériques étaient des femmes, bien sûr, voilà, il y a eu certainement des abus de pouvoir très forts et autres. Et moi, j'ai longtemps cru, même en étant jeune médecin, que l'hystérie ne concernait que les femmes, jusqu'au jour où j'ai eu dans la clientèle de jeunes médecins un homme qui avait vraiment tous les symptômes de l'hystérie, et j'ai découvert en relisant mieux les psychiatres que l'hystérie, bien sûr, était, enfin l'hystérie, on va dire, pour dire aujourd'hui, pour être moderne, les troubles somatomorphes, donc somatoformes, sont partagés largement par les hommes et par les femmes. Hein. Maintenant que la médecine est bisexuée, les troubles somatomorphes sont bisexués aussi. Alors, j'aime beaucoup apprendre des nouveaux mots, et avec vous, je suis gâté. Dans ce chapitre où vous parlez des trois héroïnes de l'hystérie, vous mettez en scène ce mot pathocénose, qui a été, je crois, inventé par un historien des sciences qui s'appelle Mirko Gmerk. Gmerk. Oui, voilà. Et oui, alors, c'est passionnant. Alors, le sujet de la pathocénose, mais là, alors, il faut refaire une nouvelle émission d'une heure, rien que là-dessus, parce que le sujet de la pathocénose, c'est très, très, très intéressant, parce que les maladies, et j'essaye de le montrer dans les différentes histoires de ce livre, à ma façon, je le montre de façon très narrative, mais les maladies, en fait, pour créer une maladie, il faut trois facteurs. Il faut le malade, évidemment, j'en parle beaucoup, le médecin avec lequel qui fait le diagnostic, et il faut l'environnement technologique et culturel de l'époque. Vous ne pouvez pas avoir une maladie si vous n'avez pas les moyens, tout simplement, de l'avoir. Donc, il faut un environnement culturel et technologique. Pour parler simplement, on va dire, par exemple, qu'un cancer qui ne concerne que quelques cellules n'était tout simplement pas visible à l'époque où on n'avait pas le microscope. Avec le microscope, le cancer possicellulaire de peu de cellules existe, mais simplement parce qu'il y a le microscope. Comme on peut dire pour la maladie d'Alzheimer, qui n'existait pas avant qu'on fasse la coloration argentique des neurones. Donc, il fallait le médecin, le patient et la technologie. Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque époque, vous avez des objets maladies qui sont différents et qui évoluent avec le temps et avec les époques, qui créent ce qu'on appelle, ce que Gromek a appelé la pathocénose. La pathocénose, c'est l'ensemble des pathologies à une époque donnée, à un instant donné. Mais au-delà du fait que la médecine permet de les comprendre autrement à mesure que le temps passe, est-ce qu'on peut dire que les maladies elles-mêmes évoluent au cours du temps? C'est une sorte d'évolution presque darwinienne des maladies, une sorte d'évolution qui fait que les symptômes de ces maladies ne sont pas toujours les mêmes. Mais évoluent. Alors là, c'est intéressant parce que on peut faire le lien avec l'hystérie dont on vient de parler. Il est certain que dans les symptômes de l'hystérie, il y avait une exagération théâtrale, hein, il y avait une théâtralisation des symptômes qui a totalement disparu aujourd'hui dans la mesure où l'hystérie est devenue plus connue des médecins. Donc la théâtralisation n'était plus nécessaire pour faire admettre son trouble somatomorphe. Donc vous avez effectivement votre comparaison, le mot darwinien, vous savez que j'adore les sciences de l'évolution, elle est tout à fait valable. Ça évolue en fonction de l'environnement culturel, évidemment. C'est-à-dire que le comportement même des malades dépend des avancées de la médecine. Bien sûr, et j'irai même plus loin, encore plus loin que ça. Là, j'ai parlé du côté des patients, mais ce qui est encore plus intéressant et qui, moi, continue à m'ébahir, c'est que les maladies qui sont les objets maladie, j'aime bien le mot objet maladie, qui sont donnés à un patient qui ne souffre d'aucun symptôme. Par exemple, je vais vous dire, monsieur Klein ou monsieur X, vous êtes porteur d'un cancer de l'intestin. Et ce cancer de l'intestin, vous n'en avez jamais eu le moindre symptôme, vous ne l'avez jamais vécu, et il est possible, je dis bien possible, qu'il ne vous donne jamais de symptômes et qu'il ne vous fasse jamais mourir, enfin que vous mourrez, mais pas de ça. Et donc, les patients prennent le diagnostic, l'objet maladie qui leur est donné par le médecin. Je ne dis pas, bien sûr, qu'ils n'ont pas cet objet maladie, mais il leur est donné par le médecin, ils n'en auraient pas eu connaissance. Et moi, je suis tout à fait étonné de voir que cette maladie est portée, donc ce diagnostic est porté par les patients, donc, avec une intensité parfois beaucoup plus dramatique que s'ils avaient eu une hémorragie intestinale qu'ils auraient vue au WC. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire donc, ce qui est seulement potentiel est vécu comme réel, comme actuel. Et plus que ça, je trouve que l'intensité dramatique, et là je le dis, ça peut être un peu provocant et un peu choquant, mais l'intensité dramatique des maladies, j'allais dire virtuelles, on va dire virtuelles, celles qui sont données par la biomédecine, cette intensité dramatique du vécu est plus forte qu'une réelle maladie, parce que le patient qui a des symptômes qu'il vit peut contrôler lui-même finalement quelque part, il peut évaluer quelque part le niveau de sa maladie. Donc il en a une forme de maîtrise, j'allais dire entre guillemets, une maîtrise, parce qu'il l'évalue, il voit son évolution. Alors que celui qui a quelque chose dont il n'a jamais eu le moindre vécu, la moindre objectivité, est complètement désemparé devant cette maladie. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je... Si, mais surtout dit. S'il est hypochondriaque, j'imagine. Alors, c'est un autre sujet. Alors là, je me permets de dire que c'est complètement un autre sujet, l'hypochondrie. Après, j'allais dire surtout s'il est anxieux. Voilà, on va dire surtout s'il est anxieux. Voilà, l'hypochondrie, c'est encore autre chose parce que c'est un autre sujet, l'hypochondrie. C'est des gens qui s'inventent eux-mêmes des maladies, mais qui ont une maladie que les médecins ne peuvent pas connaître. Voilà. Donc, ils vous avez prévenu que mes remarques et mes questions seraient naïves. Non, alors elle est pas naïve, mais c'est l'idée de rapprocher les deux sujets. Alors moi, qui suis un peu un puriste de la clinique, j'allais dire ça me choque. Voilà, l'hypochondrie et le vécu d'une maladie réelle, qu'en fait c'est le cancer non vécu est donné par la médecine, donc il existe ce cancer-là, mais il n'y a aucun vécu. Alors la façon de vivre ce diagnostic est souvent dramatique, alors que l'hypochondrie c'est différent, c'est des personnes qui vraiment se plaignent d'avoir le foie de travers, ils inventent leur propre physiopathologie. Là on est dans une construction dont l'origine est plutôt un trouble psychologique, en fait, hein. L'hypochondrie c'est un trouble, on va dire, psychologique léger. Alors, Luc Perrineau, vous avez parlé tout à l'heure de porteur sain. Vous avez rappelé que c'est un terme qui aujourd'hui est connu de tous et pour cause. Oui. Mais il y a cette histoire absolument incroyable de cette femme, Marie Malone, qui au tournant du XXe siècle, alors qu'elle était cuisinière de New York, va être assez rapidement la championne du monde de la mise en quarantaine. Voilà. Alors, Je ne suis pas très content comme vous de cette épidémie que nous vivons, mais je la remercie pour au moins une chose, c'est que lorsque je parlais de porteur sain à mes patients il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de porteur sain, tout le monde sait ce que c'est. Donc finalement, cette épidémie a fait faire un progrès dans la connaissance pédagogique. Médicale. Voilà, pédagogique. Hein. Donc je remercie le Covid-19 pour ça. Alors effectivement, la notion de porteur sain, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce que dès qu'on a découvert les microbes, donc Pasteur et Koch, hein, qui sont les deux grands corps, on dit corps en allemand, qui sont les deux grands découvreurs des microbes, il y a Koch surtout qui avait dit, mais on peut avoir ces microbes dans l'organisme et ces microbes peuvent ne pas donner les maladies que l'on connaît. Et c'était son idée, son intuition, mais il ne pouvait pas en fournir la preuve, évidemment. Et finalement, cette Marie Malone, là, dont vous parlez, dont je parle dans l'histoire, ça a été la première preuve clinique de l'existence des porteurs sains, une preuve assez colorée, on va dire, parce que le personnage était un personnage romanesque qui a contaminé, elle était cuisinière à domicile et elle a contaminé toutes les familles. C'était la typhoïde, hein, à l'époque, qui était une maladie bien sûr beaucoup plus grave que celle que nous connaissons aujourd'hui et qui a contaminé des tas de personnes alors qu'elle était en pleine forme elle-même. Mais au bout de combien de temps on s'est rendu compte qu'elle était la responsable de ces contagions? Parce que dans ce que vous racontez, il y a vraiment, elle changeait de famille à chaque fois que la famille précédente était atteinte par la maladie, et il aurait dû y avoir assez rapidement une forme de suspicion à son endroit, non ? Eh ben, c'est pas venu tout de suite. D'abord parce que pour que l'idée vienne, il fallait qu'on puisse avoir l'idée de la notion de porteur saint. Personne ne la connaissait, donc il fallait. En plus, elle a changé de nom. En plus, elle a changé de nom. Voilà. Alors elle a triché. Alors là, c'est après qu'on ait découvert. C'est-à-dire qu'il y a un épidémiologiste, on va dire le premier épidémiologiste un peu attentif, qui a effectivement fait le lien entre les familles où les gens mouraient et cette cuisinière. Et à ce moment-là, effectivement, on lui a interdit de faire son travail de cuisinière, puisque surtout que c'est une maladie, vous savez, qui se transmet par voie digestive, la typhoïde, et non pas par voie aérienne, comme la Covid, donc qui se transmet par voie digestive. Et évidemment, elle contaminait les aliments qu'elle faisait et que les familles ingéraient. Et donc, on lui a interdit de faire son métier. Mais comme elle ne savait rien faire d'autre, elle a attendu quelques années, elle a changé de nom, elle a recommencé à contaminer les personnes. Alors, je vous laisse tousser. Et c'est bon, c'est fini. C'est fini. Alors donc, on va pas citer tous les cas, mais il y a quand même cette histoire extraordinaire d'une jeune femme qui s'appelait Hunsa, qui était très belle, qui était pakistanaise, mais qui ne parlait pas, ou plutôt, elle n'était belle que lorsqu'elle ne parlait pas. Quand elle se mettait à parler, son visage devenait grimaçant, difforme, et les sons n'étaient plus articulés. Alors, elle était patient zéro, donc, mais de quoi ? Cette histoire, elle fait partie des histoires que j'aime beaucoup. Quand on fait de l'histoire, il y en a qu'on aime plus ou moins. Ah, ça se sent à votre écriture. Hein. Oui, ça se sent. Le chapitre s'appelle Le silence d'Hunsa. Je sais pas comment on l'a. Le silence d'Hunsa, oui. Et il y a aussi les Pomarélis. J'aime beaucoup ces histoires parce qu'elles sont, j'allais dire, plus modernes dans la façon, elles sont plus modernes par rapport à notre connaissance actuelle de la médecine. Et c'est par rapport à la génétique, en fait. Et donc, vous savez que maintenant, tout est devenu génétique. On ne jure que par la génétique, hein, y compris quand on parle de virus et de maladies infectieuses. Il n'y a plus que la génétique. Et donc, tout doit être expliqué par la génétique et on cherche les gènes de tout, hein. On a cherché les gènes, comme vous le savez, de l'homosexualité, de la criminalité. On cherche des gènes de tout. Et alors, cette personne avait une maladie, effectivement, qui était une maladie, ce qu'on appelle une maladie mendélienne, c'est-à-dire qui concernait très, très peu, un seul gène ou très peu de gènes. Et c'était un gène qui faisait qu'elle ne pouvait, elle avait aussi de grosses difficultés d'articulation comme Tantan, hein, une dysarthrie très importante et qu'elle ne pouvait pas parler, c'était un effort surhumain et qu'elle n'arrivait pas à parler. Et dans toute la famille donc de ce couple Kay, il s'appelait Kay, alors je sais pas si on dit Kay, oui c'est un nom pakistanais, il y a eu beaucoup de descendants qui avaient cette même maladie, donc on avait la preuve génétique de la maladie, il n'y avait pas de doute sur le fait, et le gène a été trouvé. Le gène responsable a été trouvé, c'est un gène du nom de FOXP2, qui est un gène, ce qu'on appelle un gène OX, c'est-à-dire un gène qui à lui seul dirige toute une chaîne de gènes, et ce gène FOXP2 est très important il diffère entre les primates non humains, tout à l'heure vous en parliez, et les primates humains, et il est très important dans la parole articulée justement. Et donc il y a eu un grand déchaînement médiatique en disant qu'on avait trouvé le gène de la parole et qu'on savait que si les humains parlaient par rapport aux chimpanzés, c'était à cause du gène FOXP2, ce qui est en toute petite partie vrai, bien sûr, mais qui n'est pas le. Parce qu'en fait, aucune fonction élaborée ne peut reposer sur un seul gène, si j'ai bien compris. Ah ben, surtout pas la parole, oui. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, des gènes très forts, qui sont les gènes de la symétrie bilatérale chez les vertébrés, la plupart des animaux, qui sont des gènes OX aussi très, très puissants, très robustes. Le gène FOXP2 est un gène robuste, aussi solide dans la généalogie, mais qui, bien sûr, n'explique pas à lui seul l'apparition de la parole chez l'être humain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on vous écoute, et surtout quand on vous lit, Luc Perrineau, on se rend compte que la vulgarisation de la médecine et de son histoire, ça devrait être beaucoup plus important que ça n'est, me semble-t-il, notamment dans les médias, notamment lorsqu'une épidémie nous touche. Vous racontez des histoires qui, à ma connaissance, sont peu connues, si j'ose dire, mais qui réclameraient de l'aide beaucoup plus pour que certains types de discours ne puissent pas percoler dans la société. Mais là, vous me rendez tout à fait triste, Monsieur Klein. Ah, je suis désolé. Je pense que la vulgarisation scientifique, d'une manière générale, est en souffrance. Hein. Comme je dis souvent, si on a peut-être un déficit de chercheurs et un déficit de jeunes vocations de chercheurs, c'est sans doute parce que la vulgarisation est mal faite, parce qu'on n'apprend pas à 10 ans la science dans un livre de physique quantique, comme vous connaissez bien, mais on l'apprend par la vulgarisation, et je déplore qu'il n'y en ait pas plus. Est-ce que les étudiants en médecine connaissent les histoires que vous racontez ? Est-ce que ça fait partie de la formation ? Non, certainement pas. Je peux vous répondre non. Alors, ils en connaissent peut-être une ou deux, comme le grand public, en fait, mais ils ne les connaissent pas, non, hélas. Et la vulgarisation médicale est encore plus difficile que j'allais dire, enfin, plus difficile. Oui, pas pour l'auteur, peut-être, mais pour le public, que toutes les autres vulgarisations, parce que vous êtes intimement concerné par la médecine et la santé. Donc, quand vous lisez un livre sur les étoiles ou sur les atomes, vous ne vous sentez pas concerné. Quand vous lisez un livre sur la médecine et les maladies, vous êtes toujours intimement concerné, donc votre prédisposition n'est pas la même à la vulgarisation, à recevoir la vulgarisation. Et ça demande, alors moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'essayer de progresser là-dedans, mais ça demande de trouver les bons mots, de ne pas choquer les patients, de ne pas choquer les ministères non plus, en disant, par exemple, je n'oserais pas dire aujourd'hui que, enfin je prendrais beaucoup de circonvolutions pour dire que le dépistage organisé du cancer, par exemple, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait repenser, ou que la notion de gravité de telle ou telle épidémie, c'est quelque chose qui doit être bien relativisé. Je ne nomme personne, suivez mon regard. Et je crois que la vulgarisation médicale, est pour moi, c'est une lacune énorme, et j'encourage tout le monde à essayer de... Mais le fait que justement ça nous concerne, puisqu'on est tous plus ou moins à des moments différents de notre vie concernés par ces questions, devrait rendre la diffusion de ces connaissances-là plus facile que d'autres disciplines, qui sont plus abstraites ou plus éloignées de nos préoccupations. Alors, je crois que ça intéresse les patients d'apprendre sur la médecine. C'est clair que les sites internet ont beaucoup de succès médicaux. Ça intéresse les patients, mais ce qu'ils apprennent, c'est eux-mêmes qui vont chercher l'information. Mais ce qui est difficile, je veux dire, c'est que si vous essayez de dire des vérités, elles sont reçues d'une façon très différente selon que vous avez dans vos proches quelqu'un qui a vécu la chose ou pas. C'est-à-dire que dès que vous lisez, vous pouvez être perturbé par l'affect et par l'émotion parce que vous avez connu la chose. Il y a toutes sortes de biais qui viennent déformer le message que vous avez émis, c'est ça ? Voilà, tout exactement, vous l'avez bien résumé. Alors que quand vous lisez un livre, moi je lis des livres de physique quantique, vous savez ce que c'est, je n'ai aucun affect ni aucune émotion, simplement il faut que je le relise 10 fois pour arriver à comprendre la première ligne, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai pas d'émotion en tout cas, je me dis que je pourrais peut-être comprendre un jour. Si vous n'avez pas d'émotion en lisant des livres de physique quantique, c'est que les livres sont mal écrits, à mon avis. Hein. Alors, vous avez raison, mais il y en a quelques-uns qui sont très bien écrits, je n'en citerai pas, mais j'en connais. On va finir avec un chapitre qui m'a particulièrement passionné, qui a trait à la compréhension de la mémoire. Donc la question que je voulais vous poser, c'est d'abord combien est-ce que nous avons de sortes de mémoire ? Et comment ces connaissances, nous les devons en partie aux vélos et aux mobylettes, notamment lorsqu'elles ont des accidents ? Je vois que vous avez bien retenu le mot. Voilà, c'est le vélo et la mobylette qui nous ont beaucoup appris sur la mémoire, effectivement, parce que c'est deux cas de patients célèbres aussi, donc qui ont eu des accidents. Pas célèbres, mais on les appelle par des initiales. Neurologiques. Ils sont célèbres, mais on les appelle par leurs initiales. Voilà, voilà. HM. HM est cassé, voilà. Hervé Moleson. Alors, je vais dire leur nom pour les réhabiliter. Henri Moleson, pardon, et Kent Cochrane. Voilà. Cassé et HM. Alors, ils ont eu des lésions de l'hippocampe, en fait, hein. Et on a découvert grâce à eux que l'hippocampe était une partie du cerveau qui était très importante dans la construction de la mémoire, hein, et surtout dans la construction de ce qu'on appelle la mémoire antérograde, c'est-à-dire l'accumulation de nouveaux souvenirs, et la mémoire rétrograde, donc pour garder pendant très longtemps des anciens souvenirs, elle est plus répartie dans le cerveau, elle est moins localisée que ne l'est le stockage donc des nouveaux souvenirs. Donc ça a permis de progresser là-dessus, évidemment, beaucoup, grâce à ces patients qui ont été assez coopératifs en plus. Ils étaient surtout HM, Henri Moleson, il a été très coopératif avec tous les chercheurs et il a permis de faire de grandes avancées sur le fonctionnement de la mémoire. Donc on a inventé après la mémoire épisodique, on a découvert les principes de la mémoire épisodique, de la mémoire procédurale, donc qui est la mémoire épisodique, donc... Voilà, qui est donc le souvenir d'événements, et puis la mémoire procédurale, c'est comment on retient, comment on sait faire du vélo et qu'on n'oublie plus jamais, par exemple. Voilà. Mais épisodique, ça ne veut pas dire intermittent, c'est un contresens. Non, non, épisodique, c'est qui concerne des épisodes de la vie, voilà, hein, pardon, oui, vous avez, ce qui concerne des épisodes de la vie, donc vous avez le souvenir qu'il vous est arrivé telle ou telle chose, donc c'est d'autant plus fort que ça a été chargé émotionnellement, ça va s'ancrer plus profondément parce qu'il y a eu une charge émotionnelle, et c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Mais donc, par exemple, HM... Henri Molaison, donc HM, comme vous l'appelez... Il a eu son accident de vélo à l'âge de 9 ans, on est au début des années 60 du siècle précédent. Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite ? Alors donc, il a perdu totalement la mémoire antérograde. C'est-à-dire qu'il avait perdu en partie l'autre. C'est-à-dire qu'il ne se rappelait plus que de souvenirs anciens pour lesquels il y avait une forte charge émotionnelle. Et il n'était plus capable d'enregistrer de nouveaux souvenirs. C'est-à-dire qu'il disait bonjour tous les matins, la chercheuse qui venait le voir tous les matins, il lui disait bonjour comme s'il ne l'avait jamais rencontré. Hein, donc son identité a cessé d'évoluer à l'âge de 27 ans. Alors, voilà, on peut dire que c'est l'identité, oui, puisque, oui, on peut dire que c'est l'identité, c'est un bon mot, qui fait que, oui, il ne pouvait plus s'imaginer, enfin, se stabiliser de nouvelles situations dans sa mémoire, effectivement. Mais vous racontez aussi que après l'assassinat de Kennedy, il s'en est souvenu pendant quelques jours, alors que c'était postérieur à cet accident. Voilà, ben voilà. Donc ça a permis de comprendre. Alors voilà, une très bonne remarque et qui était une énigme pour les chercheurs. Ça a permis de comprendre que s'il y avait une forte charge émotionnelle, même des souvenirs nouveaux pouvaient occuper donc d'autres zones, déborder de cette zone de l'hippocampe. Alors c'est des affaires de spécialistes, mais qui pouvaient déborder cette zone et qui avaient d'autres façons d'incruster des souvenirs s'il y avait du débord sur d'autres zones. On revient à la cognition modulaire dont on parlait tout à l'heure avec Broca. Effectivement, il y a pu y avoir des facilitations neuronales pour des événements à forte charge émotionnelle. Et Cassé, l'autre, lui, il a eu un accident de mobylette, donc, et rapidement, parce que l'émission va bientôt se terminer, qu'est-ce qui nous a appris de fondamental ? Voilà. Qu'est-ce qui va être différent ? Alors, il a complété... Il y a eu pas mal de différences. Lui, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est un peu le même. C'est des lésions de l'hippocampe aussi. En fait, la différence fondamentale entre les deux, c'est que Henri Molaison, on lui a complètement enlevé l'hippocampe. C'est-à-dire qu'il y a eu une chirurgie de l'hippocampe. On lui a retiré complètement. Donc, les séquelles ont été redoutables, en fait. C'est pas son accident de vélo qui lui a donné les séquelles, c'est la chirurgie. Alors que Cassé n'a pas eu cette opération qui avait mutilé HM. Et donc, comme il n'y a pas eu cette mutilation, on a pu analyser plus finement dans l'hippocampe quelles ont été, à l'intérieur de l'hippocampe, quelles étaient les zones et à quoi servaient ces zones sur donc les différentes sortes de mémoires. Donc c'est un complément. En fait, cette histoire de l'hippocampe, elle a été donnée par deux patients, dont le deuxième, donc Cassé, a été en quelque sorte un complément du premier, un complément d'information du premier. Merci Luc Perrineau, c'est vraiment un plaisir de vous entendre, mais aussi de vous lire. Je recommande la lecture de votre ouvrage « Patient zéro ». Avec comme sous-titre « Histoire inversée de la médecine ». Vous étiez avec nous en direct depuis la ville de Lyon et je vous remercie d'avoir accepté ce jeu-là, qui n'est pas si simple. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Delphine Lemaire. Je les remercie tous. Et tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour « En français dans le texte ».